La lumière descend, les micros fonctionnent, formidable. Nous allons pouvoir donc entamer notre table ronde, deuxième partie de cette matinée consacrée donc à la réutilisation et à l'open data. Donc je suis extrêmement heureux d'accueillir parmi nous à cette table Serge Dahel, président de la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, dont nous avons déjà tant parlé ce matin. Nous allons continuer à parler évidemment maintenant. Et puis Suzanne Verniol, en fait, car Henri Verdier n'a pas pu être présent parmi nous ce matin car il participe à New York à l'Open Government Partnership. Donc malgré son souhait, sa volonté d'être présent ce matin, il n'a évidemment pas pu se dérober à cette magnifique opportunité évidemment de porter la parole française à New York aux côtés du président de la République. Mais donc nous avons le plaisir d'accueillir Suzanne Verniol, qui est donc doctorante en droit comparé et qui travaille donc à l'admission Etalab et qui va donc pouvoir en son nom là aussi répondre à quelques questions que nous pouvons évidemment que nous allons lui poser. Et va nous rejoindre normalement dans quelques instants Jean-Philippe Mauchon qui est donc le sous-directeur chargé des affaires juridiques et internationales au ministère de la Culture. C'est cette sous-direction qui est en lien avec le bureau des affaires juridiques de la Direction générale des patrimoines va suivre évidemment spécifiquement ce dossier évidemment pour le ministère et qui nous dira là aussi quels sont d'abord quelle a été aussi la position du ministère au moment où on a travaillé à l'établissement de cette nouvelle directive européenne et quelle est la position du ministère aussi de la culture aujourd'hui par rapport à cette question. Donc peut-être ma première question va s'adresser à Serge Dahel. Alors mes questions seront très brèves pour vous permettre d'avoir les développement les plus longs possibles, évidemment, parce que l'objectif, c'est qu'on vous entende. D'abord, apparemment, si on s'en tient à ce que nous avons entendu ce matin et déjà aux échanges que nous avons eus, effectivement, on a l'impression que la transposition de 2005 de la directive européenne, ayant été très au-delà de ce que la directive initialement de 2003 prévoyait, en incluant quand même le champ culturel, même sous régime dérogatoire, dans le champ possible de la réutilisation, on pourrait avoir l'impression de prime abord que la nouvelle directive, celle de 2013, ne va pas changer grand-chose finalement par rapport au secteur culturel. Mais est-ce que ce n'est qu'une impression ou quelle est, voilà, vous, avant même que cette transposition soit effective, quel est votre sentiment sur ce qu'on peut attendre de cette nouvelle directive ? Alors, en fait, en écoutant les intervenants précédents, j'ai expérimenté ce que j'ai déjà expérimenté de longue date, c'est que les intervenants subséquents sont tributaires de ce qui a été dit avant, et c'est-à-dire notamment mon sujet, c'était les modifications apportées par la nouvelle directive, comme notre collègue Ricard a tout dit sur le sujet, et comme ensuite les deux autres intervenants ont dit tout sur les droits d'auteur et sur les données à caractère personnel, eh bien évidemment, le champ de ce que je peux utilement dire se restreint d'autant. Mais ça ne me gêne qu'à moitié, si vous voulez, parce que en réalité, je vais vous dire éventuellement. Alors d'abord, je vais répondre à la question qui vient de m'être posée, mais ensuite, je vous dirai également ce que il n'y a pas finalement dans la directive, et qui sont quand même des sujets centraux, qui vont être ceux de la transposition. Hein, finalement, il y a cette directive. Il faut rappeler deux choses. La première chose, c'est qu'elle fixe des règles minimum, et qu'on peut donc aller au-delà. C'est déjà ce que la France avait fait lors de la précédente directive. Et d'autre part, que cette directive est complètement organisée sur le droit d'accès aux documents administratifs, documents considérés, je ne vais pas vous imposer la lecture de l'exposé des motifs, ni même des termes de la directive, mais conçus de façon extrêmement large. Il ne faut pas y voir le document, il ne faut pas y voir ça. C'est beaucoup plus large que ça. Donc en fait, et ça, l'accès, ce sont des règles nationales. Donc en réalité, à la base, on maîtrise quand même un peu la réutilisation par les règles d'accès. Car la directive rappelle que sont l'objet des règles relatives à la réutilisation les documents qui sont accessibles en vertu du droit national. Hein, par conséquent, voilà. Donc, à la base, ben, il y a effectivement le chapitre premier, finalement, de la loi CADA. Et ça, c'est le droit national qui le maîtrise. Mais évidemment, je ne pense pas que la tendance soit à le maîtriser, à la restriction. Hein, par définition, je ne crois pas qu'on reviendrait sur ce point en arrière. Donc, un, des règles minimums. Deux, à la base, des règles d'accès. Et trois, quelque chose que je ne trouve pas d'une clarté totale dans la directive en ce qui concerne la réutilisation, mais qui n'est pas très important, justement, en raison du droit français. Est-ce que, au-delà des règles d'accès qui conditionnent le droit à réutilisation, est-ce que la nouvelle directive introduit un véritable droit à la réutilisation ? Alors, la précédente directive, dans son exposé des motifs, disait qu'il n'y a pas d'obligation d'autoriser la réutilisation. Elle le disait en toutes lettres. L'exposé des motifs de la directive modificative dit qu'il y aurait lieu de revenir là-dessus. Et quand on regarde le texte consolidé, édité par les institutions européennes, la formulation ancienne reste. Je crois quand même, de toute façon, je crois que la question ne se pose pas vraiment. Je pense quand même que la philosophie générale, c'est quand même c'est le droit à réutilisation. Et de toute façon, ce droit à réutilisation, il a été affirmé par la modification de la loi de 1978. Et par conséquent, comme le droit français affirme ce droit à réutilisation, et que nous l'avons d'ailleurs appliqué, y compris au régime dérogatoire, il est évident qu'on ne va pas revenir là-dessus. Donc on se place dans ce cadre-là. Alors, votre question, c'était est-ce que ça va changer grand-chose pour les services à caractère culturel ? Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change... Alors, d'abord, on passe du régime dit dérogatoire, qui est d'ailleurs dérogatoire, aux règles du chapitre 2. C'est-à-dire que dans l'interprétation que la CADA et les juges ont donnée et qui, à vrai dire, au regard du droit public actuel, s'impose, ce régime dérogatoire ne permettait pas de faire n'importe quoi. Et notamment, il ne permettait pas d'exercer, comme on dit, un pouvoir discrétionnaire. C'est un terme qui n'est plus tellement utilisé aujourd'hui, au sens où on l'entendait au XIXe siècle. Je veux, je veux pas. Et puis voilà, j'ai un pouvoir entier. Non, en fait, l'interprétation qu'on donnait, c'était que le régime dérogatoire se plaçait quand même dans le cadre général du droit à réutilisation. Voilà, du droit à réutilisation. Par conséquent, on pouvait refuser la réutilisation, mais pas comme ça, parce que doigt mouillé ou parce que tétartous, pour des motifs d'intérêt général. Pour des motifs d'intérêt général. Ce sont pas toujours si faciles que ça à trouver. Hein. Ce sont des services publics, ils sont au service du public, ils sont au service des opérateurs. Voilà, donc on peut refuser ou restreindre, plutôt restreindre d'ailleurs, pour des motifs d'intérêt général, en respectant les principes généraux du droit, c'est-à-dire pas de mesures discriminatoires, pas des opérateurs entre eux ou des demandeurs entre eux. Et puis, alors, ça portait surtout ce régime particulier sur les questions de tarification, c'est-à-dire qu'on était libre dans la tarification par rapport à l'article 15 du chapitre 2 qui fixe ce qu'on peut mettre dans la tarification. Donc ça, on pouvait s'en écarter. Mais on pouvait s'en écarter dans le cadre quand même des règles de droit qui régissent en général les redevances de l'État. Donc logiquement, c'est quand même le prix du service rendu avec éventuellement en tenant compte de la valeur économique du produit. Et ça, c'était assez important parce que ça, la valeur économique du produit, c'est pas du moins pas explicitement dans l'article 15 qui parle simplement d'un retour logique sur investissement, un retour normal sur investissement. Donc là, en fait, donc c'était ça. Donc possibilité d'avoir un règlement propre. Possibilité de s'inspirer des autres dispositions du chapitre 2, possibilité de s'inspirer de l'article 15 sur le calcul des redevances, mais on n'était pas lié par ce. Et puis, alors, on était également, alors, compétence de la CADA pour examiner les décisions défavorables, mais pas le régime disciplinaire, l'ébauche de régime disciplinaire qui existe et qui permet de saisir la formation spéciale de la CADA qui peut infliger des sanctions quand le réutilisateur soit a méconnu les règles de l'article 12, c'est-à-dire à dénaturer les informations, n'a pas indiqué l'origine, la dernière mise à jour, etc., tout, soit à utiliser, à réutiliser une information en méconnaissance d'une licence, des clauses d'une licence, ou et notamment des clauses financières de cette licence, mais également des autres clauses. Donc là, l'ACADA n'était pas compétente sur ce régime. Elle n'appliquait pas l'article 15 strictement, puisqu'il n'est pas applicable directement. On peut s'en inspirer, mais il n'est pas fait. Et elle considérait également que le régime des poursuites contre les réutilisateurs, prévu au chapitre 2, n'était pas applicable. Alors, elle le deviendrait. À coup sûr. Ça, c'est une évolution. À coup sûr, en ce qui concerne les musées, les bibliothèques et les archives. Oui. Alors, il reste l'inventaire, si j'ai bien compris, l'inventaire général. Mais vous traiterez ça dans la transposition. En ce qui concerne les bibliothèques, les musées et les archives, il va de soi que les règles du chapitre 2 deviennent applicables, sauf à prévoir autre chose dans la transposition. Encore faudrait-il que ce soit constitutionnel. Faudrait-il. Bon, voilà. Donc, ça deviendrait applicable. Alors, ceci dit, il reste quand même, qui a été négocié par le gouvernement français, fortement poussé par les services des affaires culturelles, etc., tout, quand même ce régime aménagé qui a été prévu pour les bibliothèques, musées et archives, et ce régime aménagé qui concerne les dispositions financières, notamment quand il y a numérisation, pour les besoins de la numérisation ou pour les besoins d'un service d'intérêt général. Je pense d'ailleurs que pour les archives musées, mais on pensait surtout à la numérisation. Donc, sous réserve de ces clauses-là, et également les aménagements en ce qui concerne les accords d'exclusivité, ce qui veut dire qu'en fait, on réintroduit une partie du culturel, une partie seulement. Hein, on le réintroduit dans le chapitre 2, mais avec un régime qui est dérogatoire, enfin, où les dérogations sont prévues par la loi, mais expressément prévues. Mais elles sont prévues de façon, je veux dire, ça permet quand même de faire des choses. Ça permet de faire des choses. Alors qu'est-ce qui n'est pas dans cette directive modifiée et qui, à mon avis, va quand même être constitué des enjeux très très très importants. C'est en réalité, je pense, alors c'est pour partie, quand même. Enfin, c'est soit effectivement la transposition, mais finalement, c'est d'une certaine façon ce qui va au-delà de la transposition, mais qui parfois est finalement quand même assez indissociablement lié à l'efficience, à l'efficacité de la transposition. Je m'explique. C'est vrai qu'en entendant ce matin ce qu'on nous disait sur les données à caractère personnel et sur les droits intellectuels, je pense d'ailleurs surtout aux droits intellectuels, parce que les questions de données à caractère personnel, j'en avais quand même déjà largement entendu parler. Donc voilà, les droits intellectuels un peu moins. Je me disais, mais si on grossit ces difficultés, je veux dire, on peut arriver à bloquer complètement le système. Et je me disais, mais enfin, quand même, depuis la précédente directive, il y a quand même eu un certain nombre de réutilisations. Je veux dire, on n'a quand même pas été complètement bloqué par les questions de droits intellectuels, etc. Tout. Alors voilà, c'est normalement les droits intellectuels des tiers. Hein. Et je rappelle d'ailleurs que quand on rentre dans le système actuel du chapitre 2, en fait, la licence, je le rappelle à chaque fois, n'est exigée que lorsqu'il y a une redevance, ce qui est souvent le cas en matière culturelle. Ce qui fait qu'en réalité, quand il n'y a pas d'exigence de redevance, quand il n'y a pas de redevance, il n'y a pas de possibilité juridique d'imposer une licence, il faut quand même le répéter, hein, parce que c'est quand même largement oublié. Et par conséquent, la question des droits d'auteur et des droits à caractère personnel, la question des droits à caractère personnel, l'intéressé le règle avec la CNIL, hein, en respectant la... Hein, et la question des droits d'auteur, elle le règle avec les titulaires des droits d'auteur. Les tiers. Alors les tiers, le problème le plus compliqué, c'est quand même, je pense, le problème qui est quand même complexe, c'est le problème des droits d'auteur des agents publics. Bon, donc, alors on a quand même des tas de données, des tas d'informations qui ne sont pas des données à caractère personnel, Alors, sauf à pousser le système en disant, mais même dans... Enfin, je veux dire, si on pousse à l'extrême, on dit, est-ce qu'il y a des descendants, est-ce qu'il y a des descendants de Boileau qui peuvent faire valoir un droit moral, etc. Tout, bon. Et on peut, pour les données à caractère personnel, c'est pareil, en matière historique, quand même, c'est... Bon. Mais, et donc, il y a le problème de l'identification indirecte. Voilà. Mais enfin, il y a quand même des réutilisations. Je veux dire, il faut ces données à caractère personnel... Et ces droits intellectuels des auteurs sont très importants. Il ne faut pas les prendre à la légère, etc. Tout. Il ne faut pas non plus en faire un système qui bloque complètement toute espèce de réutilisation en s'abritant derrière ces questions-là pour dire « je n'ouvre rien parce que je ne suis pas capable de faire de la dentelle, etc. » Donc, et il y a eu des réutilisations. Il y a des banques de données juridiques, des banques, etc. Tout, qui réutilisent des arrêts, etc. Tout. Je veux dire, cette question... Des droits intellectuels et des données à caractère personnel, elle existe de façon prégnante dans les informations, les données, les documents dont peuvent disposer les services culturels, etc. Tout, mais elle existe dans les documents qui depuis 2005 sont réutilisables et font l'objet d'un droit à réutilisation. Donc, je veux dire, c'est un problème difficile, c'est un problème délicat, mais il faut le traiter, je veux dire, il faut pas le traiter comme quelque chose, il faut pas s'en servir comme d'un motif pour dire je bloque la réutilisation. Parce qu'on peut le faire, hein, on peut le faire. Mais je veux dire, il faut pas. Et là, je pense que ces questions-là doivent être traitées. Je veux dire, quand il y a des difficultés, par exemple, est-ce que le droit moral, à partir de. Je pense que c'est au moment du débat législatif, au moment de la fixation des règlements européens et tout, qu'il faut s'en préoccuper. Faute de quoi, si on ne s'en préoccupe pas, on s'en remet à la CNIL et à la CADA, qui sont bien forcés d'interpréter la loi comme les tribunaux. Et je veux dire, c'est mieux de traiter ces questions-là en amont. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on ne trouve pas ? Ça, quand même, c'est question de droit intellectuel et ces questions de données à caractère personnel, bon, c'est quand même le sujet est très défriché, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne subsiste pas des problèmes. Non, ce qui quand même reste, c'est mettons-nous un instant dans, je ne sais pas s'il y a des réutilisateurs ici, je pense qu'il y a essentiellement des. Non, c'est ça. Mettons-nous. Non, mais mettons-nous dans. Je ne crois pas. Non, mais c'est pas grave. C'est parce que je voulais pas me heurter immédiatement à quelqu'un qui disait moi, je suis un utilisateur. Alors, donc là, maintenant, en principe, j'ai pris mes précautions. Mais essayons de troquer notre habit, moi de CADA, vous de directeur du patrimoine ou de conservateur de musée, etc., tout, dans la peau d'un réutilisateur. Quelle difficulté il rencontre quand il veut réutiliser. Et ce sont donc finalement les difficultés de la réutilisation et ce sont peut-être encore plus les difficultés de l'ouverture des données publiques dont, à juste titre, M. Ricard nous dit que ça va... C'est tout l'enjeu de la transposition au-delà de la directive. Mais la directive, elle est quand même bien dans un trend général d'ouverture des données publiques. Hein. Je veux dire, c'est quand même comme ça. Quelles difficultés il rencontre ? Effectivement, il rencontre la question des difficultés des données à caractère personnel. Il a un organisme auquel il y a deux organismes auxquels s'adresser, parce que la CADA ne renonce pas à sa compétence. Mais enfin, elle s'efforce de faire en sorte qu'il n'y ait pas de divergence avec la CNIL. Et d'ailleurs, assez systématiquement, elle dit qu'il faudrait que vous consultiez aussi la CNIL, etc. Donc là, bon, il aura la question des droits intellectuels détenus par des tiers. Bon, c'est vrai que pour les droits des fonctionnaires, c'est un peu l'administration qui devra se mouiller, etc. Tout. Et pour les droits des tiers, à condition qu'elles les connaissent, enfin, et quand c'est des tiers, alors évidemment, les descendants de Boileau ou les descendants de Rabelais, il faudra quand même être raisonnable. Mais enfin, quand c'est effectivement des titulaires de droits intellectuels vivants qui ont... Je pense pas que la question se pose, mais j'en sais rien. Les descendants d'Hergé, qui sont très, très vigilants, et même les descendants de Victor Hugo, qui le sont également. Bon, ben voilà, il faut que, d'une façon ou d'une autre, il y ait une acquisition des droits. Alors, si c'est l'administration qui, dans le cadre d'une licence, autorise et qui a acquis les droits, là, c'est elle qui s'est posé la question de l'acquisition des droits. Si, en réalité, on est dans un cadre où... parle sur le texte actuel, il n'y a pas besoin d'une licence, donc l'intéressé, il en fait son affaire, il faut qu'il aille acquérir les droits. Voilà, ça n'est réutilisable que s'il n'y a plus de droits intellectuels détenus par des tiers, soit parce qu'il n'y en a plus, soit parce qu'ils ont été acquis, que les intéressés... Bon. Mais là, en fait, voilà. Alors, mais il y a quand même d'autres questions. Alors, la question la plus importante. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme problème, à mon avis, hein, c'est, je parle pour ce que je ne suis pas. Quand je suis réutilisateur, j'ai le problème. Bon, l'anonymisation, on en a parlé, c'est les données à caractère personnel. J'ai le problème de savoir, mais quelles sont les informations qui existent ? Quelles sont les informations qui existent ? Alors là, actuellement, dans la loi CADA, il y a bien l'obligation de faire des répertoires, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est peut-être pas le domaine dans lequel l'administration française en général, je ne parle pas des affaires culturelles, où il y a peut-être plus de répertoires qu'ailleurs et d'inventaires, a été la plus performante. C'est-à-dire que les réutilisateurs potentiels, puisqu'on dit que c'est une matière première, que on peut créer de la richesse avec, etc., ils ont d'abord besoin de savoir ce qui existe, Et donc la directive, ça, elle le répète, elle le réitère. Mais en réalité, il faut aller au-delà. C'est bien gentil de faire des déclarations, de faire un article dans la loi, de répéter, etc. Maintenant, il faut le faire. Et ça coûte de l'argent. Il faut mettre des fonctionnaires là-dessus, il faut mettre des, etc. Donc ça coûte de l'argent. On va voir que finalement, les problèmes, ils sont techniques et économiques. Donc il y a ça. Il y a ensuite la directive, quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle a des dispositions en ce qui concerne. Bon, il y a un régime dérogatoire, il y a un régime dérogatoire pour les données culturelles en ce qui concerne. Mais ce qu'elle affirme, quand même, c'est un principe, des règles de transparence en ce qui concerne le calcul des redevances. C'est pas toujours si transparent que ça, parce que transparent, on peut afficher la redevance, mais la transparence, c'est la façon dont on calcule la redevance, les critères qu'on utilise. La vérité, c'est que sans comptabilité analytique, on est bien embêté. Et souvent, il n'y a pas de comptabilité analytique. Mais c'est sûr que l'avenir, c'est certainement de resserrer le contrôle. Alors, pour le coup, le contrôle, oui, y compris celui de la CADA. Sur la façon dont on calcule les redevances. Est-ce que c'est au doigt mouillé ? Est-ce que c'est tel ou tel ministère qui dit, voilà, il faut que ça rapporte tant parce que le budget, etc., et puis débrouillez-vous pour que ça fasse ça ? Ou est-ce qu'on calcule ça conformément aux critères ? Il y a des critères dans la loi. Et maintenant, les critères, c'est plus vous qui allez les faire, même quand c'est dérogatoire. Ils sont dans la loi. Et donc, en principe, les réutilisateurs, jusqu'à présent, ils n'ont pas beaucoup saisi là-dessus. On a actuellement une saisie. Mais ils ont droit à un recours devant un organisme impartial. Donc, à un moment donné, on peut être amené à vérifier la façon dont la redevance a été calculée par rapport aux critères fixés dans la loi. Alors ça, on est encore dans quelque chose qui est dans la directive, mais dont il faut tirer les conséquences, en réalité, dont la transposition, c'est-à-dire ce qu'on écrira dans la loi française, peut être plus ou moins ambitieux. Et puis, au-delà de ce qu'on écrit dans la loi, il y a la pratique, il y a les instructions, il y a la façon dont on s'organise. Et donc, donc il y a cette question-là. Il y a, très important, la question qui est à nouveau, à la fois dans la directive, mais esquissée quand même. Il y a la question des formats et de la structuration des données. Alors ça, il faut bien voir. Et après, on débouchera sur cette question du principe de gratuité. Alors là, en fait, le réutilisateur, lui, l'idéal pour lui, c'est d'avoir, comme dit la directive, un format ouvert, lisible en machine, etc. Les informations ou les données, l'administration, y compris culturelle, les a fabriquées pour elle-même à l'origine. Donc elle a pris le format qui lui convenait. Dans un certain nombre de cas, il est lisible en machine, il est ouvert, il ne l'est pas toujours. Bon. Il faut bien voir. La structuration des données, elle peut être plus ou moins bonne. Parfois, c'est la pagaille complète. Je ne parle pas pour vous, sûrement pas dans les affaires culturelles. Mais il y a des endroits où la structuration des données se prête très, très peu à la réutilisation. Alors ça, la directive, elle dit « si possible » et « s'il y a lieu », etc. Tout ça, c'est l'expression de la négociation. C'est-à-dire que les États qui sont nombreux, etc., ils ne voulaient pas que ce soit trop exigeant sur ce point, etc. Tout. Il n'empêche que si on est sérieux et si on veut vraiment faire de la réutilisation, hein, et au-delà de l'ouverture des données publiques, eh bien, il faut que progressivement, probablement au niveau de la production des informations, on utilise des formats ouverts, etc. Tout. Et quand ce n'est pas le cas, parce que ça a été établi antérieurement sous un autre format, se pose la question de savoir, alors, de même que se pose la question de savoir qui anonymise, bon, ça, c'est, en principe, c'est réglé par la loi, mais on peut le modifier, la loi peut adapter, etc. Tout. Je pourrais y revenir, si vous voulez, tout à l'heure. Mais de même, la question de savoir qui paye éventuellement la traduction, enfin, c'est-à-dire la recomposition dans un format lisible, ouvert en machine, etc., tout, elle se pose, cette question-là. Mais du point de vue du réutilisateur, c'est tout à fait fondamental. Savoir quelles sont les informations qui existent, avoir des informations qui soient réutilisables économiquement par une lecture en machine, dans un format ouvert, etc., tout, c'est tout à fait fondamental. Et puis, il y a également ce qui n'est pas dans la directive, du moins pas dans la directive telle que je la lis, la question de l'ouverture spontanée et programmée. C'est-à-dire qu'actuellement, on vit, la loi CADA vit, sur un système sur demande. C'est-à-dire que je demande l'accès quand je sais que l'information existe. Bon. Et, éventuellement, et ensuite, éventuellement, je réutilise les règles d'accès et les règles de réutilisation n'étant pas les mêmes. Ce système, il est très lourd. Et il est très coûteux, parce qu'en réalité, Dupont peut demander une chose un jour, Durand la même chose le lendemain, et on recommence à chaque fois, etc. Tout. Ouvrir spontanément, c'est-à-dire sans demande, tout ce qui peut l'être, parce qu'il n'y a pas de données à caractère personnel, et parce qu'il n'y a pas de droits intellectuels, l'ouvrir spontanément, dans des formats réutilisables, etc. Tout. C'est permettre la réutilisation facile par les réutilisateurs, c'est susciter des vocations de réutilisation, c'est ça l'ouverture des données publiques, c'est susciter des vocations et c'est aussi s'éviter du travail, parce qu'une fois que ça a été ouvert spontanément, mis en ligne, etc., tout, c'est une diffusion publique, le droit d'accès individuel disparaît au profit de la et les intéressés, les réutilisateurs, se débrouillent avec ce qui est mis en ligne, dans un format ouvert, lisible en machine, etc. Alors tout ça, évidemment, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'organisation. On ne peut pas ouvrir tout d'un seul coup comme ça, etc. Tout. Il faut donc échelonner l'ouverture avec effectivement des priorités. Je crois qu'une fois, on m'a posé la question des priorités. Je disais, mais les priorités, il ne faut pas qu'on décide ce qui est intéressant pour les gens, ce qui n'est pas. Mais c'est sûr que si on ouvre la totalité de ce qui est ouvrable, il faut des priorités. On ne va pas ouvrir tout d'un seul coup. Donc il faut programmer. Il y a un coût. Et alors, on débouche sur cette question qui, elle est traitée dans la directive, mais enfin, elle se pose quand même, elle va se poser dans la transposition, parce que le gouvernement l'a annoncé. Et enfin, il a parlé d'un principe de gratuité. Voilà. Alors, la gratuité de quoi ? Voilà, la gratuité de quoi ? Je pense quand même que quand on a annoncé ce principe de gratuité, je pense que plus ou moins, dans l'enthousiasme de la gratuité, on pensait quand même à une gratuité générale, mais... Après, il faut descendre dans le détail. Il y a les informations brutes qu'on détient déjà, qui ne comportent pas de droits intellectuels, qui ne comportent pas de données à caractère personnel. Je sais bien que la CNIL me dira qu'il y a toujours un risque de recoupement. Mais enfin bon, là, je crois qu'il faut quand même des limites. Il faut quand même être très... on est au pays de Descartes quand même, et de Boileau, sachant raison garder. Donc voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de données qui sont réutilisables. Cette donnée brute, elle existe. Alors ça, je crois que le principe de gratuité, c'est bien de ne pas considérer que cette donnée brute est une richesse de l'administration qu'elle peut valoriser, mais que c'est un bien qui est ouvert aux réutilisateurs et avec lesquels ils vont créer de la richesse et qu'on s'y retrouvera, c'est ça, l'ouverture des données publiques par l'impôt, par la création de richesse en général, avec une petite limite, parce que quand même, c'est de se dire, est-ce que c'est pas... les opérateurs asiatiques et autres qui vont réutiliser nos données pour nous les revendre, j'en sais rien. Mais enfin bon, c'est ça le système. Mais alors après, quand il faut anonymiser, quand il faut transformer le format, quand il faut éventuellement, peut-être la question est-elle moins prégnante, à l'avenir avoir des formats, là il y a quand même un coût, il ne faut pas se leurrer, il y a un coût. Bon, alors là... Si on applique la directive, on est dans le coût marginal. Hein, on est dans le coût marginal de mise à disposition, c'est-à-dire de mise à disposition. On peut, au terme de la directive, le facturer. Est-ce que le gouvernement entend pratiquer la gratuité là-dessus ? Non, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais ça fait partie de la transposition. Ça fait partie de ce qui, finalement, est traité dans la directive. Vous pouvez facturé au coût marginal de mise à disposition, je simplifie un peu les termes. Vous n'êtes pas forcé, vous pouvez aussi en faire cadeau, vous pouvez aussi en faire cadeau, mais il faut savoir ce qu'on va faire réellement. Et là, il n'y a que le gouvernement qui puisse décider ça. Au terme de la directive, il peut facturer. Il a annoncé un principe de gratuité. Quel critère il retient pour savoir ce qu'il prend sur le budget et ce qu'il ne prend pas? Et ça, c'est vraiment... Alors, ces questions-là, c'est des questions qu'il va falloir traiter. Périmètre de gratuité, ouverture programmée, format et structuration, anonymisation, inventaire et répertoire. Je crois que... sûrement pas tout dit, parce qu'on ne peut jamais tout dire, mais je crois que je vous ai dit à peu près, à mon avis, ce qu'est, à mon avis, le chantier de la transposition. C'est vrai que la transposition stricte, elle amène les modifications qui ont été dites ce matin et que je vous ai dites, notamment en ce qui concerne l'application totale du chapitre 2. Et à la limite, si on est en retard pour la transposition, je ne peux que le condamner fortement parce que, comme d'habitude, la France a 2 ans, comme les autres États, pour transposer, et elle se met à transposer 6 mois avant, et évidemment, elle dépasse le délai. Ceci dit, c'est vrai que la conséquence immédiate, c'est l'application directe de la directive, et c'est vrai que c'est probablement pas un drame en ce qui concerne les musées, archives et bibliothèques. Bon, voilà, j'étais sûrement trop long. Allez. Merci beaucoup. Non, mais c'est très bien, parce que vous avez mis...